Psaume 41. Psaume de David, donné au maître chantre. Oh, que bienheureux est celui qui se conduit sagement envers l'affligé, l'Éternel le délivrera au jour de la calamité. L'Éternel le gardera, et le préservera en vie, il sera même rendu heureux en la terre. Ne le livre donc point au gré de ses ennemis. L'Éternel le soutiendra, quand il sera dans un lit de langueur. Tu transformeras tout son lit, quand il sera malade. J'ai dit, Éternel, aie pitié de moi, guéris mon âme, car j'ai péché contre toi. Mes ennemis, me souhaitant du mal, disent, quand mourra-t-il, et quand périra son nom? Et si quelqu'un d'eux vient me visiter, il parle en mensonge, son cœur s'amasse de quoi me fâcher. Est-il sorti, il en parle dehors. Tous ceux qui m'ont en haine, murmurent sourdement ensemble contre moi, et machinent du mal contre moi. Quelque action, disent-ils, telle que les méchants commettent, le tient enserré, et cet homme qui est couché, ne se relèvera plus. Même celui qui avait la paix avec moi, sur lequel je m'assurais, et qui mangeait mon pain, a levé le talon contre moi. Mais toi, ô Éternel, aie pitié de moi, et me relève, et je le leur rendrai. En ceci je connais que tu prends plaisir en moi, que mon ennemi ne triomphe point de moi. Pour moi, tu m'as maintenu dans mon intégrité, et tu m'as établi devant toi pour toujours. Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, de siècle en siècle. Amen. Amen.